voyons ce que ça donne. Néoclassique, progressive metal, guitare battue, track. On essaye. Spécial dédicace du Bilos. Si j'étais riche, j'achèterais un ordinateur beaucoup puissant. Thank you. ça pète même pas ce truc. Thank you. Avec une tablette, ouais. Going.